بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. Comme on cité hier dans le chapitre 8, qu'un jugement ne peut être établi tant que toutes les choses ne sont pas réunies ou que les interdictions ne sont pas absentes, les empêchements ne sont pas absents. D'accord, Tahmar au Ta'ala. La ma'ana, que tu ne peux appliquer un jugement sur une chose tant que tu n'as pas réuni toutes les conditions requises pour ce jugement ou que les empêchements de ce jugement ne sont pas absents. Mathalan, tu ne peux demain, quelqu'un, Salah, il a volé. Et le hukm du sariq, à la base, c'est qatl al-yad, coupe la main. Maintenant, est-ce que tout vol implique une amputation de la main? Il y a des shurut. Des shurut, il peut y avoir des empêchements. Des shurut, que la chose est atteignable. C'est une valeur de l'aube dinar, de 4 dinar. Donc, tu dis, il faut que ce soit une somme minimum. Faut dépasser. Kadhalik, yakun chez le masrouk min hirzi. Il soit pris de son lieu où il est protégé, surveillé. Kadhalik, anna yakun fi shubha. Comme on explique l'autre jour, par exemple, le fils qui prend l'argent du père, ou le père du fils, ou la femme du mari, ou l'esclave de son maître. Les shurut qui doivent être tranquilles. Et parmi les empêchements, Mathalem, être sûr que le voleur est aqil, qu'il est mukallaf. Car ça, c'est un empêchement. Le mec, quelqu'un, il vole et il n'était pas aqil, un fou, Mathalem, il a un rôle avec toutes les choses, toutes les conditions sont requises, mais il a l'empêchement qui est présent. C'est quoi l'empêchement? C'est qu'il a fait l'aqil. Même dans la qaïda, on peut bien regarder toutes choses, même dans le takfir, même dans le tabdir. Dans plein de situations, il faut que les choses soient réunies. Et ça, souvent, c'est les ulama qui les connaissent bien. C'est pour ça qu'on dit dans le takfir, dans le tabdir, ta'anni, ne précipitez pas. On voit des choses qu'il ne faut pas réunir, mais des empêchements qui sont présents. Et quand tout est réuni, le jugement il s'applique. Après, on a pris quoi comme exemple? Le signe du chiisme, l'exemple du tawhid. Le tawhid, tout ce qu'il apporte comme fadl, qui a dit dunya ou fil akhira. Un yukafir des dhunub, ou qui sort du feu. Il y a des shurut. Le tawhid, comme un palais, il y a qu'on a la palme, ou les lissen, ou les jawarih, qui sont dans le cœur, par la langue, il y a les jawarih, parce que les gens, ils vont prendre un hadith apparent. Même par l'Allah et l'Allah, haram Allah, alayhi, na'am. Donc, il dit la et l'Allah, puis Allah, il va te donner le feu. Mais on croit que j'ai l'air d'Allah, j'en ai dit non, il y a deux choses à regarder. Donc, parce que tu n'as pas fait de shirk, Mathalem. Ni Akbar, ni Asra, que tu es en pleine condition de l'air d'Allah, des 8, rien n'est valide. Donc, ça, c'est parmi ces choses-là. Les choses, même les actes qui soient rendus valides, il faut que les choses soient réunies. Il n'y a pas quelqu'un qui est nouveau. Et maintenant, il n'a pas mouillé tous les membres qui sont concernés par l'odo. Son l'odo, ce n'est pas valable. Par exemple. Ou quelqu'un veut faire l'odo et il n'a pas d'eau à ce moment-là. Là, le jument de l'odo ne peut plus être sans lui. Il fait tailler le monde. Par exemple. C'est pareil pour la salat. Quand toutes les choses soient réunies, qu'elles soient acceptées. Ah, bah, d'un hadan, comment on a fait? Moi, c'est une qaïda qui est mohim. Même chaque armel, pour qu'elle soit acceptée, il faut qu'il remplisse les conditions et qu'il n'ait pas d'empêchement qui passe, que cette action ne soit pas acceptée. Et aham et shurut, c'est l'armel mahir à l'islam. Dans les conditions de l'action de l'enfant d'Allah, l'islam, les khalas, la mutada, les prophétiques. Foudma Kohal, ومن أتى بما عليه من عمل قد يستحق ما له على العمل. Cette règle-là, c'est la précédente. Que celui qui accomplit une œuvre avec toutes ses conditions requises, qu'il a bien accompli, alors il a comme récompense ce qui est la récompense qui est tirée de cet acte. Alors même son acte, il est valide. قال وهذه قاعدة شريفة كثيرة الفوائد ومعناها أن الشيء المرتب على شيء آخر لا يستحق ما رتب على عمله حتى يفعل كله. Également qu'une chose peut être acceptée que si elle est accomplie de façon totale. Il s'agit d'une adoration, même d'un acte, un travail, une dunya. Mesela, tu as un employé. Il a travaillé à faire, il n'a pas tout fait. Il ne mérite pas la paie entière, par exemple. Il ne mérite pas la paie entière. Ou quelqu'un, tu as loué une maison pour une durée, mesela, de 6 mois. Tu dis, tu as fait un arbre, déjà, avec lui, pour ça de location, de 6 mois. Et pour 6 mois, la maison est pour moi, elle est signée. Même, tu n'es pas là pendant les 6 mois, il n'a pas le droit, quelqu'un d'autre, il n'a pas le droit. Ou s'il le fait, il ne mérite pas la location. Car la chose n'a pas été remplie comme cela a été convenu. Ça rentre dans les ibadas et dans les mu'amalats, même dans les nikah. Et qu'il se met avec une sœur, il y a des chouroutes, sur lesquelles sont mis d'accord, des chouroutes qui sont sahiha. Après, il reste des chouroutes qui ne sont pas respectées. La femme a le droit de demander le fasr, d'annuler le wesh, parce que les conditions qui ont été. Sur lesquels il y a eu accord au début n'ont pas été acceptés. Ils sont mis d'accord sur certaines choses. Car, par exemple, un exemple, une sœur a dit, moi je voudrais qu'il faut que l'Hijra. Le frère a dit d'accord. Il faut voir avec tout. Tout est d'accord. Au bout d'un moment, avant qu'il ne fait rien de partir. Il dit c'est bon, on part plus. Pars pas parce que je fais une partie, il y a des problèmes, elle est de partir toujours. Elle dit non, on s'est mis d'accord. Donc c'est rien que toi, on ne dit pas que l'Hijra. Tu veux plus, elle a besoin de dire. Pour ça. Le frère a rempli la condition. Après ça, même. Ça va loin, tu vois, c'est un peuple qui est large. Un peuple qui est large. Donc quand les gens sont mis d'accord sur les conditions qui sont halal, acceptées, shara'an, ils doivent s'y tenir. C'est quoi le dalil ? Ya ayyuhalladhina amanu, awfu bil 'uqud. Vous qui avez cru, respectez vos engagements. Et la condition pour les adorations, c'est ce qu'on a cité précédemment, comme condition de l'acte. ثم قال ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. فقال c'est quoi le sens de cette qaïda? Que si quelqu'un doit faire un acte à la base et qui se voit dans l'empêchement de faire cet acte dans sa totalité, alors il fait ce qu'il peut en faire. Il fait comme il peut. Ça ressemble un peu à la règle, à le machakor, c'est-à-dire le théissir. Cependant, le théissir dans la religion, souvent, il est basé sur l'adillah. Par exemple, comme le fait de l'hijab et d'un salawat, ça, c'est un truc qui est spécifique. Ce n'est pas tout le temps. Et d'autres fois, c'est une règle plus générale, celle-ci. Quand il dit Umir al-Abdu bi amrin wajib ou mustahab, fa'imma an yakdir alayhi kulla, ou kulli, fa'imma an yakdir alayhi kulli. وإما أن يعجز عنه كله وإما أن يقدر عليه بعضه على بعضه أو يعجز عن بعضه. Donc si jamais le abd doit faire une chose, il doit faire une chose qui soit obligatoire ou mustahab, soit c'est qu'il peut la faire entièrement, soit qu'il ne peut pas du tout la faire. Ou soit il peut la faire partiellement, il y a une partie qu'il peut faire et une partie qu'il ne peut pas faire. Donc ce qui est dans son incapacité d'accomplir, cela lui est pardonné. قال وأما ثوابه وأجره فإن كان له نية جازمة أنه لو قدر عليه لفعله فأجره على قدر نيته وإن لم يكن له نية لم يكن له شيء. Et par contre sa récompense sera basée en mesure de son intention. Un exemple. Quelqu'un, là on parle de Kulliya, il s'est dit, ce soir, je vais faire Qiyam al-Layl. décidé à le faire. Dans la nuit, il s'est pas réveillé. Il y a eu un empêchement qui fait qu'il n'a pas pu se réveiller. S'il avait une vraie NIA, et qu'il était, par exemple, c'est quelqu'un qui était habitué de le faire, ou qu'on devait vraiment le faire, mais il n'a pas pu le faire ce soir-là, chez là, le roi NIA, il aurait une récompense pour sa NIA ou quoi. Vraiment. Une nafila. Ou une chose. Il y a un hadith qui est venu que celui qui le âme bien qu'elle est dans le hadith, partie qui est qu'elle aime. Tout le monde dit وَإِنْ عَجَزَ عَنْ بَعْدِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَقَدِرَ عَلَى بَاقِيَهِ فَعَلْمَ يَقْدِلُوا عَلَيْهِ مِنْهُ. Si par exemple cet acte soit wajib ou mustahab, il n'est pas en mesure d'en faire une partie, alors il fait le reste quand même. Et ce qu'il ne peut accomplir, il lui est pardonné. والدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. حديث متفق عليه أبو هريرة. Si jamais je vous ordonne une chose, alors faites ce que vous pouvez, comme vous le pouvez. Un exemple, quelqu'un qui veut, qui est blessé, il va faire la salat. Il est blessé une partie des un membre qui est concerné par l'ozo. Il ne peut pas mettre cette partie en contact avec l'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'ozo. Et cette partie qui ne peut pas être en contact avec l'eau parce qu'il y a une blessure, il ne la touche pas avec l'eau, mais il fait un yabou pour remplacer, pour combler. Il fait l'eau plus. Non. Par exemple, il est blessé à la main. Si l'eau touche sa main, il aura des problèmes. Donc il fait l'ozo partout sur cette partie-là de sa main. Il faut qu'il ait mis l'eau, il fait taïaboum, pourquoi? Pour combler cette blessure. Parce qu'il ne peut pas faire taïaboum directement, parce que taïaboum, il y a des conditions. Il faut que tu n'aies pas trouvé d'eau. L'eau, elle est présente. Et d'une autre partie, il faut que l'eau ne puisse te nuire totalement. Et là, l'eau ne nuit pas totalement. Elle nuit qu'une partie de la main, pas le reste. Donc tu peux faire l'eau pour le reste, pour cette partie. Mais là, il y a un khilaf dans la masala. En boulot le maram, on n'a pas de la masala, il y a un khilaf. C'est pas tout le monde qui se rend là. On a dit qu'il ne touche pas du tout. Le col sahir qui a parlé d'Adila, c'est qu'il veut taïaboum pour combler le manque. Ça, c'est vrai. C'est le col qui parlait le plus fort. Maintenant, il y a d'autres aqwal, mais là, c'est pas le sujet de. C'était le khilaf. Et ça, par exemple, comme un style qu'on a là-dedans, Inkar al-Munkar. C'est quoi Maratib Inkar al-Munkar? Awalen, la biliyat, on commet par la main. Summa, il descend par la langue. Summa, il colle. Tout ce qu'il n'a pas fait, il passe par en dessous, en dessous, en dessous. Comme celui qui ne peut pas prier, enfin, la salade debout, il a fait comment? Assis. Est-ce qu'il laisse la salade totalement? Non. Il l'a fait quand même. Mais le client ne peut pas le faire, donc ça foire. Et ça ressemble à la règle, elle m'a chaque fois, la gilet ici. Donc il dit, Jamir ibadat dakhilatun tahta hadhihi al-qa'ida. Que toutes les. C'est-à-dire ce hadith. De la vissette de Khodori, c'est une règle pour toutes les ibadat également. C'est pas valable que pour une karmouka. On prend ce hadith également pour d'autres ibadat. Tout ce que tu ne peux pas faire, tu passes à l'étape qui est en dessous. Thumakol. Wa kullama nasha'a al-ma'dun, fa zaka amrun laysa bil-ma'dun. Wa kullama nasha'a al-ma'dun, al-ma'dun, fa zaka amrun laysa bil-ma'dun. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça ressemble un peu à la règle qu'on a fait auparavant, le test précédent. C'est que toute chose que tu accomplis, qui est légiférée, quand même légiférée, ou qui t'est autorisée par une personne, jamais il s'en découle des dommages, tu n'as pas à. Il y a des dommages. C'est comme l'autre. Ça là va plus large, parce que ça concerne également. Elle est plus large. La salette. L'exemple qu'il donne, le fait de couper la main au voleur, avec condition requise et qu'il n'y ait pas de mawania. Si jamais tu veux couper la main, il s'enfuit des infections, des choses, après il en meurt. Tu as quelque chose. On dit, toi, Maalekshi. Toi, tu as fait ce qu'il devait te faire. Il a volé, le jugement a été fait, sa main a été coupée comme il appelle la charia. Après, suite de la blessure de l'amputation, il en est mort. Toi, celui qui a coupé la main, il n'a rien dédommagé. C'est pas un contre-contre. Sur lui, il n'a pas dit à payer, ni rien à faire, ni expire. Car à la base, il devait faire cela pour lui. Hein? Pour une chose que tu devais faire, autorisée par la religion, il s'ensuit, Mathalem, des dégâts, qu'il y a une adoration, tu n'as pas remboursé. Ou un autre exemple, quelqu'un autorise quelque chose, le fait que c'est bien, tu fais quelque chose, tu fais une chose sur sa terre, il s'ensuit des dégâts, également qu'il n'y a pas eu de négligence de la part ou d'excès, bien évidemment, tu n'as pas remboursé. Par exemple, moi je te prête ma tondeuse, coupe les cheveux. Tu autorises d'utiliser de tondre les cheveux avec. Et en prenant les cheveux, elle tombe par terre. Ta main se casse. Tu n'as pas à me la rembourser. Pourquoi ? Car moi, j'étais autorisé de l'utiliser. Maintenant, si toi, tu as fait une chose qu'il ne fallait pas faire, tu as joué avec, ou tu es ivre, tu as fait une chose, tu as pris un excès, et une ta'adi ou de ihmal, là, c'est autre chose. Par exemple, je ne sais pas, moi, tu te tombes les cheveux, après, tu as fini. Après, tu l'as pris, tu joues avec le fil, tu faisais tourner comme ça. Et le fil l'a cassé, il est parti, c'est cassé. Là, c'est autre chose. T'as pas envie de faire de. T'as pas envie de jouer avec. T'as juste, tu traces la tête avec, après tu la poses. Toi, tu rajoutais plus que ce qui était permis, autorisé. Même chose qu'à la base, c'était pas Marou, là. On dit, c'est pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu joues avec? Par exemple, je sais pas, tu joues avec quelqu'un au-dessus de l'eau. Je regarde la tondeuse, au-dessus de l'eau comme ça. Après, elle tombe dans l'eau. De quoi t'as fait ça? Là, tu dis dommage. Car tu as dépassé. Tu as fait plus que ce qui t'a été permis de faire. Quand même. Par contre, attention. Si la personne te prête la tondeuse, tu te dis par contre tu la casses, tu la vignes, tu la rembourses, tu mets un charge depuis le début, tu es d'accord, tu en viens à quel produit, à quel pareil là, chaud. Je suis d'accord, c'est chaud, allez, je ne te prête pas tondeuse. Mais attention, j'y tiens beaucoup cette tondeuse, elle m'a coûté cher. Elle coûte très très bien, on n'a pas d'autre de comme ça ici. Si jamais tu la casses, ou tu la rembourses, tu me ramènes la même. Ou tu dis dommage, je dis d'accord. Après tu la casses, là tu remplis ton engagement. Tu le rembourses. Mais si rien n'a été dit, là-bas, il a prêté, il t'a permis d'utiliser. Toi, tu l'utilisais correctement. Après, il s'en est suivi que une altération est tombée, elle s'est cassée ou quelque chose. Maraléki. Même quelqu'un près de sa maison, tu habites chez lui, tu as cassé des choses dans sa maison involontairement. Sans, on a dit négligence ni excès. Tu n'as pas à rembourser ce qui était cassé. L'autre, c'est pour repousser une chose. Je te défends, par exemple. Ça rentre pas dedans le prêt ou le. Par exemple, l'exemple qu'il donne de Chir également. Il dit qu'il y a un chemin, Mathalem. Il y a un chemin, un passage. Tout le monde passe par là. Toi, tu es un isme de la Daoula, de faire un puits. De creuser un puits. T'as une autorisation. T'as fait un puits à l'endroit. Autorisé par la Daoula, pour le gouvernement et tout. Sur une terre de chrétien. Tu l'as autorisé. Ensuite, quelqu'un vient pas, c'est devant ce puits, il se casse un bras, ou même meurt. Toi, t'as rien dédommagé. Enfin, même t'as pas dédommagé. Parce que ce que tu as fait, c'était autorisé. Donc, Kaïda, ça ne va pas dedans, ça. Dans le nom de la Kaïda, en soi, je peux te dire, par les vers. Que tout ce qui provient d'une autorisation, du digne ou d'un propriétaire ou des autorités, et que l'acte que tu fais, bien évidemment, il est un chelou, alors tu n'as pas dédommagé. Ça règle le problème dans beaucoup de conflits. Ce maqal, « Wa kullu hukmin da'irin ma'a illatihi wa illati kon awjabat ishan li kir'ati » C'est-à-dire que chaque jugement est basé sur une raison, une cause. Celle qui a impliqué l'obligation, justement, d'un décret par rapport à cet acte. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Par là, il y a un être comme Yadouro, à la Oma'ilati, ou Djoudan, ou Adaman. C'est-à-dire qu'un jugement est basé sur une cause, qu'elle soit présente ou une cause si elle est en absence. Donc, si jamais cette illa a été prouvée, cette cause a été prouvée, alors le jugement s'applique. Et si jamais la illa n'est pas présente, تمام؟ يعني وصلنا للعاجل من التوى ديبي. يجي مثلا قال أن المشقة علق عليها أحكام كثيرة من التخفيفات بالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها من الأحكام التي إذا وجدت المشقة حصلت التخفيفات المرتبة عليها، وإذا عدمت المشقة عدمت هذه الأحكام. مثلا الأحكام comprenant le jam des salawat، tout ce qu'on prend comme ahkam pour le taxir, les salawat, pour les raccourcis ou les jours, toutes ces règles-là, c'est des règles. Ces règles-là ne sont applicables que si la cause est présente, c'est-à-dire le voyage. En dehors du voyage, ces règles-là ne sont pas applicables. L'aïla, c'est quoi? C'est le voyage, par exemple. Spécifique. Mathalan, également, le taklif. Le fait que les charges de la religion s'imposent sur toi. Il y a des ilaïs pour ça. Mathalan, c'est quoi? Le boulot, tu sois plus vert. Ou l'aql, tu sois aql, tu as raison. Donc à partir de ces deux, ilah, beaucoup de choses s'imposent sur toi. Comme obligation des wajibat, des ibadat, ou autre. Ou que, personne de demain, un enfant, il n'est pas bas à lire, il n'est pas pubère, on ne peut lui imposer certaines choses. Demain, un enfant ne fait pas salat, son père est en train de le frapper s'il a 10 ans, et de lui ordonner s'il a 7 ans, comme le hadith est venu, mais chal'an, l'enfant n'est pas affaibli. Il n'y a pas de problème sur lui. Dans plein de situations, il faut trouver la cause, pour que la cause soit présente, pour que le jugement s'établisse. Quelqu'un, mathalène, la mise à l'alcool. C'est quoi le had? C'est les coups de fouet. On le flagelle. Si jamais la illa est trouvée, le jugement s'applique sur lui. Il s'est flagellé. Pourquoi? Parce qu'il a bu. Et ça vient aussi au fait de mathalène couper la main. C'est quoi la illa dans le fait de couper la main? C'est le vol. Sans regarder les choses ou quoi. Maintenant, cette île-là implique un jugement. Pourquoi te couper la main? Maintenant, quand on regarde, on dit à la base, le jugement du vol, c'est couper la main. C'est tout. Maintenant, quand on regarde, est-ce que ce jugement-là, maintenant, peut s'appliquer par rapport aux chevaux et aux mawani? Mais c'est quoi le jugement? À la base, la île-là de couper la main, c'est le vol. Après, on enquête plus pour savoir si vraiment on fait la chose, est-ce qu'elle est. La chose est légitime maintenant dans le cas de cette personne-là. C'est l'autre étape après. Thomas Cole. وكل شرط لازم للعقائد في البيع والنكاح ولا في المقاصد إلى شروط حللت محرما أو عكسه فباطلات فأعلما. قال هذا أصل كبير وقاعدة كلية في الشروط الصحيحة والشروط الباطلة. Là, c'est une règle qui s'applique aux conditions qui sont placées lors d'un échange. Est-ce que celles-ci sont valables ou pas? Car les شروط sont deux catégories. Soit باطلة, soit صحيحة. Si un شرط est صحيح, on doit s'y tenir. Et s'il est باطل, il est rejeté. Donc chaque chose sur laquelle sont mis d'accord des gens, parmi les choses qui sont sahiha, ils doivent être accomplis. Tant que ce short n'a même pas un haram, bien évidemment. Ça revient à ce qu'on a fait tout à l'heure. Amen, ce qu'on a fait tout à l'heure. Dans celui qui a accompli un travail ou une œuvre, il n'aura la récompense pleine que s'il accomplit pleinement son travail. Que ce soit l'ibada ou soit un travail avec entre des gens. Là, ça revient un peu à ça. Que demain, des gens se mettent d'accord sur les choses entre eux, certaines conditions peuvent être acceptées, d'autres non. Même si les deux sont d'accord. Même si sont d'accord tous les deux. Si jamais ça enfreint la shali'a, c'est marfoud. Mathalan, si les mu'amalat, elles touchent les adamiyyin, c'est les droits des gens, ils peuvent se pardonner ou résister ou réaliser le nikah. Quand c'est le droit d'Allah, il n'y a pas. Mathalène, le nikah, le zawesh. Quelqu'un, il vient pour se marier avec une femme. La femme me dit, c'est pas grave, avec toi sans wali, moi je suis d'accord qu'il n'y a pas de wali. On dit non, ça ne revient pas à toi ça. Le wali, c'est une chose que Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné. Ce wali ne revient pas à toi. Maintenant, le mahr, il revient à qui? Il revient à toi. Donc là, tu peux dire, moi, le mahr, je veux une chose, par exemple, c'est pas de l'argent, je veux une chose abstraite. Elle a le droit. Car ça, c'est son droit à elle. Mais le wali, c'est pas son droit à elle. Le wali, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui-là, on ne peut pas s'en passer. Même ta'ala, ou dans des conditions de vente. Quelqu'un, il vient, il dit, moi, je vends telle chose, mais tu ne pourras les prendre que dans une semaine. Tu payes aujourd'hui, tu t'en jures une semaine. L'acheteur peut dire d'accord. Il a droit. Ça s'en vient à eux. J'ai pas une semaine, c'est un problème. Maintenant, ce qu'il achète, c'est haram. Une chose, par exemple, qui est haram. Ou une condition de vente qui est interdite. Ça, y a pas. Par exemple, l'utilitaire, il vient et dit, tu vois la maison qui est là-bas? Non. Il fait, je te la vends. Mais tu y habites dans une semaine. Je dis, d'accord, mais pourquoi une semaine? Je dis, parce que d'abord, il faut que j'achète de l'autre. Donne-moi l'argent maintenant, j'en ai une semaine qui rentre dedans, le temps que je l'achète à l'autre. Je dis, ah non, t'as pas le droit. Pourquoi ce n'est pas à toi la maison? Tu ne peux pas la vendre. Achète-la d'abord, si tu te la vends, après ça, on se met d'accord. Mais avant ça, il dit, donne-moi l'argent maintenant. Ça, c'est un choix qui n'est pas à toi. Pourquoi? Parce que la maison ne t'appartient pas. Tu ne peux pas la vendre. Ce n'est pas à toi. Donc les chouroutes, celles qui sont réelles, on s'y tient. Et des fois, des gens peuvent ajouter des chouroutes à des choses qui n'en vont pas dans le char. Mais pour le maslaha, il n'y a que des chouroutes en plus. Comme par exemple dans le zawaj. Comme on l'a dit tout à l'heure, une sœur a dit, moi je me marie que si on fait la hijra. Même si l'autre il est avec le mar, il a tout, il y a le wali, d'accord. Il dit, moi je n'accepte que si on fait la hijra, après cette mariée au bout d'un mois. L'autre dit, d'accord. Cette short-là, elle peut le mettre. Il n'y a pas de nom à foi vraiment. Que les chouroutes dans les contrats, dans les accords, vous voyez, doivent être respectées si elles sont authentiques. Elles ne s'opposent pas à un hukm de la charia. Et une condition qui va être sur du bâti, elle est bâti. Comme le fait de rendre halal à haram. Tu n'as pas le droit. Vous voyez, tout ma colle. مستعمل القلعة عند المبهم من الحقوق ولدى التساهل. تستعمل القلعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التساهل. C'est quoi cette règle qu'on utilise? On utilise le tirage au sort lorsque on n'est pas en mesure de savoir qui est-ce à qui ouvert le droit. Ou alors, quand il y a plusieurs personnes qui ont un droit, il peut être donné qu'une seule personne. On fait quoi? Tirage au sort. La salaine, demain, c'est quoi le dalil de ceci? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se portait en Safar pour choisir deux de ses femmes. Il faisait un Qura, tirage au sort. Pour voir qui se passait avec leur Safar. Et lorsqu'il revient, les joues, il n'a pas à les rattraper. Ou demain, deux personnes ont un droit qui leur revient. Une somme d'argent qui est présente, et deux personnes qui n'ont pas cette somme d'argent. La somme d'argent ne revient qu'un des deux. La somme ne revient qu'un des deux. S'ils veulent faire un soul, ils peuvent dire on fait moitié-moitié. S'ils ne veulent pas, ils disent non, moi je veux la somme d'argent. Je dis bon, je suis la somme d'argent. Qu'est-ce qu'ils font? Tirage au sort. Quand même, tirage au sort, savoir qui est-ce qui va prendre la somme à qui il revient. Voilà. Et que les deux reviennent, le droit revient à l'un des deux. Et un seul peut le faire, l'imam pareil. Deux personnes peuvent faire imam à un moment. Les cheveux de l'imam sont requises. Les deux sont Hafiz Qur'an. Les deux sont savants de la Sunna. Les deux, ils ont autant d'islam ou autant de hijra. Les choses qui font que des fois on condamne un sur l'autre. Tout est rempli. On veut faire imam tous les deux. On fait quoi à ce moment-là? Tirage au sort. Qura, ça s'appelle Qura. comme tu as dit là maintenant, il y a cet exemple. Je trouve une chose. L'Okta, c'est une chose qui n'a pas de valeur, qui n'a pas été rendue publique, connue. Ça, tu as trouvé une chose par terre qui n'a pas la valeur, qui est même ce que tu dois la déclarer pendant un an. Les deux, on trouve en même temps. Qu'est-ce qu'il apprend ? Kola, qui est un ça. Les deux la veulent. Ou deux viennent à un endroit. On arrive tous les deux même sauf Awel, toi et moi. Il y a une seule place pour le sauf Awel. Premier rang. On arrive au même temps, toi et moi. On dit je sauf Awel. Non, moi je sauf Awel. De quoi, sur moi, quelqu'un fait, tu as un ça. Tu vas arriver en même temps, la place elle était libre. Qu'est-ce qu'on fait ? À part si c'est un tout petit, c'est un petit, un enfant, qui est derrière les mains pour l'éloigner. Ou si quelqu'un est plus savant que l'autre, on condamne le plus savant. Dans le hadith, c'est venu que c'est celui qui a plus de raqq qui se met derrière l'imam. Là, c'est un stade où les deux sont un stade équivalent. Qu'est-ce qu'on fait ? Qura. Non. Sur ma parole. وإن تساوى العملان اجتمعا فعل أحدهما فاستمعا إن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا كيف يقول أخوة إذا اجتمع عملا من جنس واحد وكانت أفعلهما متفقة اقتفي بأحدهما ودخل في الآخر وذلك في مسألة maintenant tu viens faire deux actes d'une même nature se réunissent à un même moment. Ça va ? Toi, à la base, tu veux faire les deux. Et un seul est réalisé à ce moment-là. Alors celui que tu veux réaliser va combler l'autre. Maintenant, tu rentres faire salat tahiyat al-masjid. Tu rentres au masjid. Tu fais ta hâte de rakat. C'est là le duha. Tu fais le duha, ce duha-là te prendra la place de ta hâte de mosdite. Khalas, tu l'auras fait. Car les deux, c'est quoi ? C'est de même nature de rakat. Parce que c'est quoi le but de ta hâte de mosdite ? C'est d'avoir fait de rakat. Donc, avant le duha, tu les as faites. Donc, ça a été rempli. Kazalik, tu viens, tu as fait l'onjo. Il y a deux rakats après l'ozo à faire. Sunna. Rakats après l'ozo. Le hadith de Bilal. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu le nian de Bilal. Jinnah. C'est à l'animaza qu'on allait, maintenant qu'on tourne, on dit sur votre bord d'or, il est aussi rakatéis. Ne prenez pas les ablutions pour qu'ils fassent l'ozo, sauf que par la suite, tu fasses rakatéis. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est pour ceux qui entendaient Bilal le demande au Jinnah. Nian de Bilal au Jinnah. D'autres hadiths sont venus. Et maintenant, tu rentres, il y a eu la veine. Il y a eu la veine pendant que tu as fait le dos. Toi, tu veux faire ma salaine 4 rakats comme le dos. Toi, tu n'as pas à faire 2 rakats de l'ozo et après 4 pour le dos. Non. Ces 2 rakats de l'ozo, tu les rentres dans les deux premières de le dos. Voilà, c'est fait. Elles vont ensemble les deux. Et tu as les deux récompenses. Tu as la niya de rakats de l'ozo, tu as la niya de la surat ratiba de le dos. C'est un Shawel, c'est un Shawel, il fait les 6 jours de Shawel, et il dit, khalas, moi j'ai envie de, le 6ème c'est dur pour moi, je vais faire que ça va être sur 3 semaines, un lundi, un jeudi, un lundi, un jeudi, un lundi, un jeudi. Ça fait 6 jours, un Shawel, il a la récompense du lundi et du jeudi, plus c'est un Shawel qu'il a fait. Également, c'est Mélania, les 3 jours du mois, et il aura fait 3 jours dans le mois, le 6ème. Dans ces 6 jours, il en a eu 3. Donc ça rentre dedans également. Il aurait eu le âge, s'il a la niya, évidemment. Il aura le âge d'avoir fait 3 jours du 6ème du mois, le âge d'avoir fait lundi et jeudi, et le âge d'avoir fait c'est à Shawwal. Hein? Les trois, on les a. Après, certaines ibada, ça ne marche pas. Elles sont beaucoup liées là. Ça ne marche pas. Il faut que ce soit des ibadahs de même nature. Que si la met, leur accomplissement se fait en un même moment, il peut les faire, et leur récompense pour ces différentes ibadahs. Sauf Marcon. Wa kullu mashhurin fala yushhalu. Misaluhu المرهون والمثبل وكل مشهور فلا يشغل مثاله المرهون والمثبل. وقال هذا معنى قول الفقهاء المشهور لا يشغل. C'est-à-dire que toute chose qui a déjà été prise pour une raison, une occupation ou quoi, ne peut être utilisée pour autre chose. Comme on dit, celui qui est occupé, l'occupe pour autre chose. Mathalin, un rahm. Un rahm, c'est quoi? C'est un gage. Je dois quelqu'un un gage. Un rahm, mathalin, demain, tu as une dette avec quelqu'un. Tu me dis, je t'en prête 1000 euros. D'accord. Moi, je m'engage, tu passes mathalin, une chose de la valeur des 1000 euros, quoi, ça veut dire que c'est quelque chose, j'ai une transaction, j'ai une garantie. Et pour ça, tu ne vas pas te sauver avec mon argent. Dis, tiens, voici mon téléphone. Engage. Donc ça s'appelle un marhoud. Madame, le téléphone c'est un marhoud. Chose qui est engage. Et bien lui, ce téléphone-là, il ne peut l'employer, il ne servira de ce téléphone. Ni le vendre. Ni le donner à quelqu'un. Pourquoi? Il est occupé par quoi? C'est un marhoud. C'est un rang. Il a été donné pourquoi? Pour ça. Un wax. Tu as mis ma salaine, dis-moi, je mets tel livre dans le masjid, un wax, pour le tout l'air. Un wax, c'est une chose que tu mets pour un acte particulier, juste pour ça. Quand tu as la sadaqa de cet acte-là, il ne t'appartient plus à toi, il appartient au wax, c'est-à-dire il est pour le masjid, pour le tout l'air. Ben, après ça, quelqu'un ne peut le prendre et le donner à quelqu'un. Ou aller le prendre et le vendre. Ou quelqu'un demain, un employé, il est mashroul. Pour un acte, un employé, il a été engagé pour une action à telle heure et telle heure. Il dit, Mathalen, de Dvor ou Asr, je t'engage pour tel et tel acte. Ils sont mis d'accord. Cet employé, à ce moment-là, tu ne peux lui faire autre chose. Je sais pourquoi il est engagé. Tu ne peux être occupé dans autre chose que ce pourquoi il est engagé. Une maison qui a été louée pour quelqu'un, peut-être louée pour quelqu'un d'autre. Pourquoi elle est machinée? Elle a été louée à quelqu'un. Un tel. Ça rentre un peu à l'école qu'on a fait avant. Également. Après, maintenant, celui qui, le locataire, se dit, moi, je t'autorise. En ce moment, dans la maison, je n'y suis pas. Mathalène, je ne fais pas louer, tu veux la louer à quelqu'un d'autre, vas-y. Mais s'il dit, Mathalène, de Vilkarda à Rajab, cette maison, il y a un contrat, elle est signée, elle est pour moi. Une maison est occupée, pourquoi? On peut la louer, ou il peut la vendre également. Il dit, khalas, demain tu sors, j'ai vendu la maison. Je dis, non, tu l'as louée, tu l'as fait un contrat. La maison, pour l'instant, elle est sous ma charge. Quand je vais finir mon contrat location, tu pourras la louer. Tu ne peux rien faire avec la maison à ce moment-là parce que tu es loué avec quelqu'un. Tu t'es engagé avec lui. La maison, elle est machinée. Elle est occupée par quoi? Le locataire avec qui tu es d'accord. Maintenant, c'est lui, ça revient au problème d'avant, les chouroutes se désistent. Il veut bien sortir, là c'est autre chose. Mais à la base, le propriétaire peut dire, demain tu sors, pourquoi j'ai vendu la maison? Il dit, mais c'est d'accord quand même, tu la loues pour 4 mois. Il dit, non, je la loue, je la vends, c'est ma maison, c'est ce que je veux. Non, c'est pas ce que tu veux. La maison, elle était louée. Il y a un accord qui a été fait, on s'y tient. Hein? On s'y tient. Ah, pas, maintenant c'est une cause qui passe que le locataire, c'est un bouffier. Il y a des choses mauvaises dans la maison. Il boit de l'alcool, il amène des femmes, il fait zina, il dérange les voisins. Parce qu'au début, quand tu fais l'acte, la salaine, tu dis il y a des choses pour rendre la maison. Il y a telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Il y a des choses que tu ne vas pas citer, mais c'est Muharrama, de base. Demain, j'ai pas que tu loues ta maison après Salafi. Hein? Après, il vient. Et le frère, Astaghfirullah, c'est un frère qui couvait avec des femmes. Il dit, ah, tu m'as pas interdit de faire zina. Tu dis, moi non, mais Allah t'a interdit. Tu vois, il va te dire dans le Coran, il n'y a pas écrit pendant faire zina. Il dit, dans le Coran, c'est écrit pendant faire zina. Dans ma maison, dans la rue ou dans l'espace, faut que tu sois. C'est interdit. Comment tu dis ça? Tu dis, tu sors de la maison. Tu t'as interdit de ramener des femmes dans la maison. Donc une chose, lorsque tu es engagé, prise pour une raison particulière, tu peux là en faire autre chose. Al-Mashroul, la Yushran. Summa qal, ومن يؤدي عن أخيه واجبا له رجوع إذ نوى يطالبا ومن يؤدي عن أخيه واجبا له رجوع إن نوى يطالبا. معنى هذا أن كل من أدى عن غيره دينا واجبا عليه ونوى الرجوع عليه فإنه يرجع عليه ويلزم المودع عنه ما أدى عنه. Maintenant, quelqu'un a accompli un acte à ta place qui te revenait à toi. Masalen, tu avais une dette. Et tu avais une dette, Masalen, toi, aujourd'hui tu avais une dette avec Zayd. Zayd, il a dit, le premier de Muharram, tu me rembourses. Je suis d'accord. Comme le Muharram, il arrive. Tu n'as pas pu rembourser Zayd. Il y a Amr qui vient. Il est au courant de ça. Il sait que tu n'as pas remboursé. Demain, tu arrives au délai. Donc il dit, khalas, je vais aider mon sahib. Je vais donner la dette à Zayd. Comme ça, avec Zayd, c'est fini. Si mes niyas de rembourser en vue que tu donnes toi par la suite, je lui rends par la suite. Tu n'as pas à dire, ah, tu as payé ma dette. Non, non, tu le dois à moi. Tu peux pas lui dire, moi, je n'ai pas de dette avec toi. Tu dis, moi, je t'ai aidé, moi. À la base, tu allais arriver dans quelques jours, tu ne peux pas moi lui payer la dette. Je l'ai payé pour toi. Donc, maintenant, elle me revient à moi. Hein? Donc, tu ne peux pas dire, ah, je ne te rends pas. Tu dois lui rendre ma dette. Par contre, c'est dans son cœur, il a mis une nia, sans dos. Il n'a pas fait que ce soit. Il est parti voir Zayd, il a dit, tiens, ça, c'est la dette. Ibrahim, tu te dois. Dans son cœur, il fait sadaqa. Personne, il fait sadaqa. Et quelques mois après, il discute avec toi. Ibrahim, toi Ibrahim, tu discutes avec Amr. Tu as donné l'argent à Zayd. Il dit, hey, de toute façon, donne-moi l'argent que j'ai payé pour toi là, avec le temps. Si lui, dans son cœur, avait venu à son sadduq, il ne peut rien te demander. Il n'a pas le droit. Hein? Il n'y a pas de droit. Les gens font ça des fois. Ils aident quelqu'un, le jour où il y a un conflit ou quoi, ils disent rends-moi ça. Déjà, ce que tu fais la dernière fois pour toi, tu le rends maintenant. Toi, t'es pourquoi en sanier à la base? Si jamais tu lui donnes et qu'il prend, c'est haram sur lui de prendre. Le meilleur client, c'est entre lui et Allah SWT. Si toi, tu sais, tu dis, ah, tu m'as dit, c'est pour moi la dette. J'ai bien rien à rembourser. Il dit, non, je change d'avis, tu me rembourses. Il n'y a pas le droit. Ah ben, il n'y a pas le droit. Et ça c'est pareil, demain quelqu'un il est absent. Et demain frère il a une famille. Il part en voyage. Il n'a rien laissé comme nafaka pour sa famille. Pas d'argent, rien à manger. Le voisin il vient, il dit, ah le frère, ça il est parti, il n'a rien laissé pour sa famille. Ah, là, je vais leur donner. Dans sa niya, c'est pas une sadaka. Il est parti 3 mois, dans 3 mois tu reviens. Et elle a fait pour ça pour toi, pour t'aider. À ce moment-là, il t'a fait un tartif. Tu n'avais pas les moyens de payer la somme d'un pour ta famille, il l'a fait pour toi. Donc, ça n'est ni à lui qu'on t'ait récupéré par la suite. Il a le droit. Donc, toi, à ce moment-là, tu dois lui rendre. Même, tu dois lui rendre. C'est quoi le dalil ? Qu'Allah Azza wa Jal, wa ma ala al-mursilin min sabil. Que le bienfaisant, on n'a pas de blâme à lui faire. Et ça rentre en plein abouel. Quelqu'un qui t'aide de lui-même, tu ce n'est pas wajib, il t'aide. Et après ce désir, Masalem, tu n'as pas à blâmer. Celui qui t'aide, et ça lui coûte de l'argent, et qu'il est lié de récupérer par la suite, c'est dans d'autres de dire, rends-moi cet argent-là que j'ai fait, ça m'a coûté des pertes, rends-moi l'équivalent, ou même un peu, ou ce qu'il veut. En tout cas, il peut te demander quelque chose, pour ce qu'il a fait. Après, et la dette, elle ne passe pas complètement à lui. À qui? Ah, bien, c'est lui là, qui a dépensé. Non, c'est lui, il te dit donne-moi un petit peu. Tu vois. Dire, par exemple, il a dépensé, je sais pas moi, 100 euros. Il dit, ah, donne-moi 30 euros. Pour compenser le minimum, tu vois. Mais s'il veut, il donne-moi 100 euros, big up, tu dois lui rendre 100 euros, big up. S'il veut, il donne-moi. S'il veut, tu lui dis, ah, c'est rien, m'affichez. Mais s'il dit, m'affichez, c'est fini. C'est pas moi après, il faut que vous discutez, et au fait, 100 euros, là, tu me les rends, s'il te plaît. Ça, y a pas. Mais il joue. Même t'as l'âge. Il y a beaucoup de moralement entre les frères, même si ça peut que le leader comprend beaucoup de choses. La dernière, il dit Paul, wal wazir التبعي عن العصياني كالوازع الشرعي بلا بكران. والوازع التبعي عن العصياني كالوازع الشرعي بلا بكران. يلدي الوازع عن الشيء هو الموجب لتركه. معنى هذا أن الله حرم على عباده المحرمات زيانة لهم ونصب لهم على تركها وازعات طبيعية ووازعات شرعية. فالذي تميل إليه النفوس تشتهيه جعل له القوة مناسبة لتلك الجناية. وما المحرمات التي تنفر منها النفوس فلم يرتب عليها حتى اكتفاء بوازع التبع ونفرتي عنها، وذلك كأكل النجاسات والسموم وشربها، فإنه لم يرتب عليها عقوبة. طيب il dit quoi? Que les sanctions, on va dire la répression naturelle d'une chose, d'une désobéissance, est comme une sanction légiférée. C'est-à-dire qu'à la fin de là, il y a des choses que tu commets comme péché et d'autres sanctions. Les haramats ont une sanction. Des choses que ton être y veut. Par exemple, zina. Les gens veulent faire zina, ça. Les gens, ils sont en penchant pour ça. La femme attirée par l'homme, et l'homme par la femme. Les gens ont envie de cela. Inna nafs al-ammaratun bisu ila man rahim. Que la nafs al-ammaratun bisu ila man rahim. Que tu as mauvais, une chose qui t'attire vers le mal. À part à qui Allah fait rahma. Pour empêcher les gens de faire cet acte. Les choses que les shahawat, duriduha, boire de l'alcool, les gens sont attirés par cela. Prendre les biens des gens, les gens sont attirés par cela. Regardez la femme qui est interdite, ou l'homme qui est interdit. Écoutez de la musique. Le fait ton nefs, il a envie de faire. Il y a des sanctions qui sont venues pour l'interdire. Et des menaces. Ou fil dunya, ou fil akhira. Et d'autres choses qui sont interdites, t'as rien qui est venu te faire opposition à cela. À part une chose quoi? Une répulsion naturelle. Et bien cette répulsion naturelle fait office de sanction légiférée. La salade, manger des najasat. Quelqu'un veut boire de l'urine. C'est un dégoût, ça dégoûte ou pas à la base? Ben ce dégoût, c'est un wazir. C'est en soi, c'est une chose qui fait obstacle entre toi et la proposition de cet interdit. Qu'est-ce qui empêche le voleur de voler, à part la taqwa? Le peur qu'on coupe la main. Qu'est-ce qui empêche quelqu'un de boire de l'urine? Le dégoût. Le dégoût. Même chez les koufars, c'est tout qui répugne à la base. Ça, c'est un wazir et tabi'i. Une répulsion qui est naturelle. Ben cette répulsion en soi est une sanction. C'est une chose qui te dégoûte. Donc des fois, tu as des actes en toi, tu vois ce wazir tabiri qui t'empêche de faire l'acte. Cet acte, c'est ce wazir, c'est Allah qui l'a mis en toi pour t'empêcher d'accomplir cet acte. Parfois, tu as des gens qui sont fous, ils font n'importe quoi. Ils vont manger, ils vont boire, ils vont prendre des choses qui sont vraiment dégoûtantes. Tu as des actes qui sont répugnants. Là, c'est des chéatis, c'est des gens, ils sont pas marcolés. Fais pas attention à eux. On parle d'un homme qui est normalement constitué, qui est un akl. Demain, un enfant, tu donnes déjà ça, tu dis mange ça, il va dire à vouloir. Tu dis bois ça, il va vouloir. Quelqu'un, il vomit. Tu lui dis mange ça, il va dire ah, on vomit là. D'ailleurs, l'exemple de celui qui revient de son don, la maison d'elle, quel l'énergie a fait cailler. Celui qui revient d'un don, qui l'a fait quelqu'un qui revient, c'est comme le chien qui se met à remanger ce qu'il a vomi. Pour dire quoi? Je te répulse, je te répugne. Même ta hala, ça revient à ça. Donc, t'as des choses, t'as des actes qui sont interdits, il n'y a pas d'obstacle chalri qui s'y oppose, à part cette répulsion qui est tabiria, naturelle. Et cela suffit à ce qu'il n'y ait pas de, sur toi, une expiation ou autre chose à faire. Mais si un hakim, il a le droit de te punir pour cet acte. Ou de il te dit, par exemple, je sais pas, il te dit, on dit un tel, on le connaît, il fait telle et telle chose qui est répugnante. Il est en prison. Il a le droit, le hakim, à ce moment-là. Il a le droit. Donc là, on a terminé. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع السلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. Et là, il a fini ses poésies. Cette poésie contient 49 vers. Parmi ces vers, loin d'une trentaine, en dehors de la Mukaddima, de la Khatima, et Kawaid Fiqhiya, qui t'aident en plein situation à pouvoir savoir comment agir. Elles ne sont pas forcément dans l'absolu, mutlaqan, mais elles sont des bases. Madame Tani, certaines, le dalil a été cité, d'autres n'ont pas été cité, certains, je ne connais pas le dalil. Mais elles ont un dalil, tu vois. Je veux bien se connaître le dalil, si c'était mieux. Et Inch'Allah Ta'ala, pour finir ce ders, parce qu'on fera le prochain ders, on fera une mise en situation. Tant bien que. On essaiera de faire un ders qu'on à ce qu'il est. Les principales kawaïdes, car certaines, on sait qu'elles sont difficiles à assimiler. Et au fur et à mesure, même si quelqu'un n'a pas assimilé maintenant, avec la langue, avec les hadiths et tout, certains vont commencer à être compris les pays natales. On a fait un peu de temps, on a fait des écoles d'application, on a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps.